Quand après le vote simultané du 28 septembre 1958, la France, et à l'exception d'un seul, tous les États d'Afrique qui lui étaient jusqu'alors rattachés, décidèrent de changer leur rapport en lien d'une communauté où chacun disposait de lui-même. Quand, par la suite, ces États nouvellement formés voulurent, avec la pleine approbation de la France, assumer leur entière souveraineté. Quand enfin des accords de coopération conclus dans tous les domaines organisèrent les relations entre celles-ci et ceux-là, on pouvait se demander ce qu'il allait advenir de cet ensemble nouveau qui, tout à coup, remplaçait un empire. Ces républiques, soudainement majeures, pourraient-elles et sauraient-elles vivre sans s'effondrer bientôt dans les pires désordres intérieurs ? Ne chercheraient-elles pas à se prendre mutuellement quelques fractions de tribus ou quelques morceaux de territoire ? Ne seraient-elles pas des jouets au milieu de l'opposition qui se déchaîne dans le monde tout entier en raison de la rivalité des colosses d'à présent ? Et enfin, garderait-elle de la part de la France assez d'intérêt, de sympathie et de confiance pour que se maintienne l'aide apportée par Paris à leur développement? Eh bien, ce sont les faits qui répondent à ces interrogations. Les États en cause, malgré quelques divers et sans doute inévitables remous politiques, ne sont pas en proie à la guerre civile, ni à la guerre étrangère. Bien loin de se battre, ils traitent dans une organisation africaine et malgache leurs affaires communes, organisation qu'ils ont eux-mêmes fondée à cet effet. Et quant au concours que la France apporte à leur essor, et réciproquement à l'amitié active qui lui témoigne, l'expérience et les événements démontrent qu'il n'y a pas là des convenances fragiles et passagères, mais bien un beau et solide monument. En novembre 1972, c'est son successeur à l'Élysée, Georges Pompidou, qui précise sa vision des rapports franco-africains à l'occasion d'une conférence de presse à Ouagadougou, au micro de France Inter.